Promenade autour du monde par Jacques Arago. Lettre première. De Paris, le 15 août 1817. Je pars, mon cher Battle. Je vais faire le tour du monde. Et moi qui me plaignais tant des distances, moi qui accusais la lenteur des courriers, je vais bientôt ne retrouver mes amis, ma patrie, que dans mes souvenirs. Un beau navire commandé par M. de Fraissinet, capitaine de frégate, est en armement à Toulon. Des jeunes gens d'un mérite rare, tous brûlants de même zèle, vont partager les travaux du chef, ses dangers et ses fatigues. Je n'ose dire sa gloire. Quel est le but de l'expédition? Je l'ignore. Je sais seulement qu'il est des périls à braver, des obstacles à vaincre, peut-être quelques palmes à cueillir. Je pars, car j'ai le sentiment de mes forces, et je suis sûr de m'acquitter avec zèle de la tâche qui m'est confiée. Que d'heures de loisirs pendant 3 années de navigation! Que de moments d'ennui qu'il faudra cependant remplir! Je les emploierai à t'écrire, à converser avec toi, avec l'ami de mon enfance. Je te dirai mes dangers, je te ferai partager mes émotions, mes craintes, mes espérances. Je t'associerai en quelque sorte à mes travaux. Et comme je te donnerai mon itinéraire, tu auras la facilité de m'écrire. Tu m'entretiendras de mon vieux pays. Tu me parleras de sa gloire, surtout de sa prospérité. N'oublie pas de me parler de sa prospérité. Et à 4 000 lieues de ma patrie, mes plaisirs seront plus vifs, mes recherches plus amusantes, mon zèle plus ardent. Le bonheur est la santé de l'âme, tu le sais. Dans mon lointain pèlerinage, j'aurai plus d'une fois besoin de consolation. Tes lettres seront ma joie, car tes lettres seront telles que je te les demande. Adieu, mon ami, je pars.